Le sida, c'est une maladie, pas un vilain défaut, pas un vilain défaut. Ma lutte, notre lutte contre ces maladies transmissibles deviennent de plus en plus compatibles. J'hallucine quand tu vois les amis, les proches, le monde a compris. Plus de 70% en Afrique, regarde les infos, les nouvelles, c'est affolant. Le message à faire passer, couvrez-vous avant de niquer, de pire en pire, de jour en jour. Les gamines et les putes sont sur leur quai, sur leur quai, sur leur pied, sur leur pied, prêtes à se faire payer, à se faire payer. Les années passent, plus de 25 ans après, mais pourtant rien n'a fait, rien n'a changé. Il nous fait chier de toutes les couleurs, le rouge comme le sang qui a été versé et qui ne cessera à jamais. Pourtant tant de recherches, mais c'est sans succès. Là qui avance, mais c'est sans succès. Trop de personnes sont contaminées. Cette maladie va tous nous bloquer, tous nous bloquer. Rien n'a changé, toujours les mêmes. Rien n'a changé, notre lutte, nos problèmes. Rien n'a changé, rien à faire. Le virus nous a cliché, contaminé, contaminé, contaminé. De mon avis à ma lutte, à mon sujet, à mon coup. Il y a beaucoup trop de gays, la mode fashion est dépassée. Marre de ces gens qui tapent des pouces, qui se touchent, qui te proposent. Toi, esprit en osmose, tu perds la raison, tu te piques, l'injection est fatale. Tu as été serré, plus moyen de t'échapper. Les années passent, la maladie prend sa place. Dans ton corps, dans ton cœur, n'est plus en place. Il te reste plus que quelques années à survivre avec ce temps, tous ces événements et cet argent qui ne t'appartient même pas. Tous des chiens, tu comprends, la mode survie de ce monde n'est pas encore acquis. La vie est basée sur des outils, des histoires, mais comme toujours le monde est dans le déficit. Déficit, pourtant, pourtant, rien n'a changé, tout. Même rien n'a changé, notre lutte, nos problèmes, rien n'a changé, rien à faire. Le virus nous a cliché, on est tous passés, on va tous y crever. Yeah.